matiti ya pakasa e mobali ya komi mobulu a changé e moto nyoso abetaka libakue na beti libaku na somele to bandi na ebula somyo kolia kolataka kangayo soki alingi ya bimabo argent de poche ezangaka te o a changé e a komi na ye double vision. Obosani mula zomito fani, okomina yo même 21, obalukiye, o changer entièrement. Obosani ba sentiment la bisoe, vraiment okiminga kola kate, soni mingi na banika, na la teli ya pili ya sukie, solo nguma no bana mokili, moto malamu azalite, o changer. O komina yo kipungu nzala e ide mama oho na kamwe mingi na motema mobali ngala lindaki ya kimina posana e sila kingaite na kamwe ete tela ya poto kakanga yo koyekola mosala kakanga yo naitone ete nandima kite bandeko e loko loko takinga na mi bantu e kaipe na kotika bantu te tozali bakolombo kae bakolombo kafumusi e tozali bakolombo kae bakolombo kafumusi e Bam bam yo, na koku fa bam bam eh. changé, eh, papi a changé, eh, Céline a changé, eh. Mobali a commis mon boulot. A changé, eh, papi a changé, eh, Céline a changé, eh. Mobali a commis à Bassignosso, eh. Mais pas gagné, pas y a chagé, poule. A bon, il s'en gagne tout bien. N'a qu'il n'y a qu'à copine, eh. Loke koshona babankou a changé, eh, papi a changé, eh, Céli a changé, eh. Mobali a komi bobulu a changé, eh, papi a changé, eh, Céli a changé, eh. Mobali a komi abasi nyonso, eh. Lokola na basusi abu no kite na kosi la, eh. Donc qui s'en a heureuse, Olanda boe va que la cate. A changé, eh, papi, a changé, eh, Céli, a changé, eh. Mobali a commis mon boulot. A changé, eh, papi, a changé, eh, Céli, a changé, eh. Mobali a commis à Bassigno Soleil. Mon bali a commis à Bassignosso, eh.